se sont séparés depuis des mois. Même au jour, Sweep a su les rassembler. Geoffrey et Adrien ont su répondre à cet appel. Occitanie Comics est de retour dans un nouveau format inédit. Bonjour tout le monde et bienvenue au niveau du débat comics. Alors on reprend avec toute la troupe habituelle pour un nouveau format qui est le podcast. C'est beaucoup moins chiant en ce qui concerne le montage et on va beaucoup mieux, vous allez pouvoir mieux profiter de ces émissions, que vous soyez dans les transports en commun ou dans la voiture. Vous pourrez nous écouter H24, 7 jours sur 7, il n'y aura pas de problème. On va commencer tout de suite maintenant à présenter les gens qui sont autour de la table. Donc à ma gauche, j'ai Adrien. Eh oui, bonjour à tous. À la gauche d'Adrien, j'ai Nico. Salut tout le monde. Et à ma droite, j'ai Nebu. Salut, bonjour. Nebu qui est notre invité, qui va nous présenter un peu le futur salon du TGS. Et ça va pas tarder à arriver. D'ailleurs, je vais vous détailler un peu le programme. On va commencer par un petit édito sur les events de DC Rebirth. On va attaquer après sur la petite information, la petite news, la petite chronique, on va dire plutôt, d'Adrien sur les publications au Japon. On enchaînera donc après par l'interview de Nebu. Pour fêter les 25 ans de Warcraft, on va faire un petit focus sur cet univers qui est tellement bien, où j'ai perdu tellement d'heures de ma vie. Comme tout le monde. Ouais, un peu comme tout le monde, Adri. Après, ça sera Nico qui enchaînera une petite review, ainsi que ses conseils d'achat. Donc, c'est parti pour l'édito. C'est l'heure de l'édito. Allez, c'est parti donc pour l'édito. Pour revenir sur le Comics Game, j'ai voulu faire quelque chose d'assez léger, quelque chose d'assez sympathique, quelque chose qui ne va pas énerver les gens, des choses où on ne lancera pas des pierres sur Nico ou sur Adrien, parce que bon, le pauvre, il débute. Je voulais juste parler des events qui y a depuis 2016 sur le DC Rebirth. Qui était le dernier gros reboot de chez DC, qui devait au final remettre à niveau l'équipe de Watchmen, Watchmen, mais c'est surtout aussi un grand comics d'Alan Moore, et qui devait l'intégrer directement au niveau de l'univers DC. Et normalement, on nous avait vendu que le DC Rebirth devait servir à ça et quasiment qu'à ça avant d'arriver sur quelque chose de nouveau. Et je trouve que DC a complètement merdé sur ce sujet. Nico, t'as lu un peu de DC, pas du tout ? J'ai lu DC et je me suis arrêté directement avec le Batman. C'était quoi ? C'était l'événement Batman. La nuit des monstres. Non, c'est pas ça. C'était pas ça. Avec tous les Batman, là. C'est Batman dans Dark Knight Metal, un truc comme ça. Ah, oui, Metal. Metal, qui était très mauvais, donc j'ai arrêté à partir de là. Ouais, j'ai eu un peu de mal aussi sur le Metal. J'ai adoré le premier tome, mais alors la suite m'a gavé. Mais sur ce que tu dis sur Rebirth, je suis complètement d'accord avec toi. On les attend toujours, les Watchmen, déjà. Et c'est le bordel. Pour un reboot, c'est un reboot bordélique. J'ai lu, c'est lequel ? C'est le Badge ? Oui, c'est le Badge. Voilà, c'est celui-là que j'ai lu. Franchement, si t'es pas un spécialiste, moi je suis pas un spécialiste de l'univers DC, j'ai pas lu ce qu'il y a eu avant, enfin très peu. J'ai lu le Batch parce que j'adore Watchmen et c'est le bordel. Et il y a des notes de bas de page partout et quand il y en a pas, tu comprends rien. Donc je suis un peu d'accord avec toi qui. Ils sont où les Watchmen quoi ? Bah attends, c'est surtout là où c'est très drôle, c'est que je me suis amusé à écrire tous les events qu'on a eu le droit depuis 2016. Hein. 2016, on est en fin 2019, ça fait 3 ans. On a eu Justice League versus Suicide Squad. Nico, un avis ? J'ai pas lu parce que je n'en ai pas envie. Voilà, merci Nico. Ça m'a fait la même chose. J'ai attendu le trouver dans un magasin d'occasion style Cash Center, une connerie comme ça. Je l'avais trouvé à 10 euros. Là, ça valait le coup. Hein. C'était le gros pavé. Je me suis dit, ça, c'est à peu près le coût de cet event qui ne sert à rien. Après, on a enchaîné avec le Batman Metal. où là, ben, forcément, moi, ça m'a laissé un goût amer. Mais... Le premier tome était excellent, vraiment. Le premier tome était vraiment excellent. Enfin, moi, j'ai adoré. Mais il fallait quand même s'accrocher, il fallait un peu connaître l'univers parce que tu sortais des références Mathusalem. Bah, en fait, ça partait un petit peu sur les. Ouais, ok. Ça partait un peu, genre, façon Pierre d'Infini, tu vois. Ouais. Mais au final, ça fonctionnait, tu vois. T'étais pas obligé de connaître tout pour accrocher au truc. C'est-à-dire qu'il y avait un méchant qui arrivait, bon, ok. Et le côté gothique et super dark était vraiment cool. Mais alors après, le tome 2, tome 3. La Civ Seed quoi qui débarque, il doit y avoir 6 ou 7 chapitres pour juste présenter les autres Batman. La moitié ils sont tous aussi nazes les uns que les autres. C'est-à-dire qu'ils sont super charismatiques. Ah ouais. Ils sont charismatiques en dessin, mais quand on raconte leur histoire, à part le Batman qui rigole. Mais j'allais parler moi de celui du Batman Doomsday. Ouais. Où bah, ce fameux passage sans spoil, hein, désolé, enfin si avec spoil, désolé, mais où il balance la kryptonite noire à Superman et donc son fils et Superman qui se mettent à bouffer Lois Lane. Je trouvais ça cool, tu vois, c'était couillu, mais après. Ça donnait un petit esprit de Marvel Zombie hein, là-dessus, quand même. ouais, mais sur deux bulles, quoi, enfin sur deux cases. Oui. Mais déçu du tome 2 et 3. Donc, après Metal, on a eu Heroes in Crisis. C'est quasiment au niveau des publications même temps que Metal, que j'ai pas lu, que je vais lire un peu plus tard. Toi, t'as pas du tout suivi. Moi, j'ai arrêté vers Metal de toute façon. Ouais, donc, voilà. Heroes in Crisis, où c'est plutôt. C'est Tom King qui a écrit ça, si je dis pas de bêtises. Et on revoit plutôt la psychologie des personnages qui ont souffert suivant des attaques et compagnie. Bref, j'ai pas lu encore, donc je vais pas vraiment en parler. Ils ont sorti les Léviathan qui est centré un peu sur Superman dernièrement avec Bendis. Après l'Event Léviathan, il y a eu Year of Léviathan qui est la suite. Je raconte de la merde. Il y a eu là actuellement aux États-Unis, il y a Year of Villains qui est en cours où apparemment les vilains prennent le pouvoir et compagnie. Il y a de gros tie-in et compagnie. Et on a le Doomsday Club qui arrive enfin à son 12e numéro qui devrait clôturer la fin du Doomsday Club qui devrait normalement amener les personnages de DC, enfin de Watchmen chez DC et voilà. Mais c'est vrai que moi je trouve, Nebu a totalement raison, ça a amené, c'était du grand n'importe quoi, le DC Rebirth, c'est New 52, c'était linéaire, on suivait, on comprenait. Je trouve que je compte pas en fait. Et ça me fait chier de voir tout simplement d'ici partir en couille et de faire du grand n'importe quoi. C'est surtout que là cette année ils ont sorti au moins en France une espèce d'anthologie là qui explique l'univers d'ici et les 52 mondes et tout ouais. Ça. Oh les gars quoi, arrêtez la branlette quoi. Là ça va beaucoup trop loin quoi. Ça va beaucoup trop loin. Et puis alors c'est une anthologie donc c'est pas indispensable. Mais je veux dire quand t'aimes l'univers d'ici, tu regardes le truc et je peux te dire que ça casse la tête. Quoi. Mais ce qui est très grave c'est que bon DC n'a jamais vraiment été le numéro un en France parce que bon Marvel on arrive à s'identifier aux personnages, aux villes et compagnie, c'est beaucoup plus facile. Quand quelqu'un suivait New 52 en entier et qui se dit « Bon, New 52, c'est cool. DC Rebirth, apparemment, d'après les experts, l'élite, l'élitisme des comics, comme dirait Nico, ça va être encore quelque chose de bien meilleur. » Et en fait, on est submergé d'events et il n'y a pas de fil continu. À la rigueur, j'aurais bien voulu que le Doomsday Clock se termine. On enchaîne le Heroes in Crisis, qui était très psychologique. Et qui aurait pu nous amener au Batman Metal. Et puis après, bon, on part sur tout ce qu'ils veulent. Après Metal, ils auraient pu très bien enchaîner avec le Years of Villains. Et tout ça, ça aurait été logique. Et n'importe quelle personne aurait pu suivre la chose. Après, moi, tu vois, tu parles de Rebirth. Je savais même pas, du coup, en le lisant, que les Metal, ils étaient rattachés à Rebirth. Quoi, tu vois. Pour moi, c'était autre chose. Tout comme, alors je vais te poser une question, puisque vous êtes spécialiste, moi je ne suis pas, mais j'ai lu White Knight, que j'ai adoré. Vraiment adoré, mais du coup, c'est pas dans Rebirth, ça a rien à voir. Non, c'est complètement indépendant. Je l'ai lu aussi, il était vraiment. Il est ouf. Il est génial. Mais attends, la suite. La suite va être tout aussi bonne. Alors, moi, j'espère juste dans la suite. C'est une suite en plus. Oui, c'est la suite, ouais. J'espère qu'on aura de nouveau la Neo Joker, parce que ça a été vraiment mon coup de foudre, la Neo Joker de White Knight. Donc, j'espère qu'elle y sera encore. Mais c'est pas des trucs canon, donc ça fait pas vraiment partie de l'univers. Ça fait partie du micro-univers du Sean. Murphy Universe, mais c'est vrai que la suite de White Knight va bientôt se terminer aux États-Unis et devrait bientôt arriver normalement, en VF. Du coup, là sur ma table de nuit, j'ai aussi le Batman Kerry, donc j'attends, qui donc du coup est tiré de métal de ce que j'ai compris. Ouais, je crois que c'est l'origine story du Batman Kerry, mais qu'on avait déjà eu dans le tome 2, donc je sais pas trop. Je l'ai pas ouvert encore parce que je suis sur Injustice du coup, moi. Qui me gave, mais bon, ça c'est autre chose. Honnêtement, après, j'en parlerai plus en janvier, mais je quitte la VO, je quitte la VF pour me mettre à la VO sur ma liste de ma wish list de comics. Je n'ai quasiment pas de DC parce que je suis paumé en fait. Je vais pouvoir compléter certains personnages que j'aime bien, que je ne vais pas trouver en France. Mais sinon, c'est quasiment du zéro en ce qui concerne le DC Rebirth et DC, en fait. Voilà. Bon, sur ce, on est tous d'accord là-dessus. On va peut-être pouvoir passer à la suite. C'est le moment où Adrien va nous parler manga. Let's go. Et c'est parti, du coup, pour la petite partie manga... de ce débat comics. Et moi, je vais vous parler du coup des publications qui se fait au Japon, et c'est surtout le Weekly Shonen Jump, car peu de monde, où c'est assez rare de l'avoir donc ça a été fait en tout cas depuis 1968 au Japon, et donc c'est hebdomadaire, et c'est grâce à cette publication que les gros noms ressortent au Japon. Donc toutes les semaines, il y a un gros fascicule qui coûte pas très cher en plus. Donc c'est vraiment à la portée de tout le monde. Ça doit être aller à 200 yens, je crois. Alors, Nico, qui en a eu aussi. Alors 200 yens, ça représente combien en euros ? En euros, ça doit être 200 yens. Ouais, c'est même pas 2 euros. Ouais, c'est même pas 2 euros. C'est 1,60€ techniquement. Il n'y a pas le. Voilà, donc avec 1,60€, on a un fascicule d'une dizaine. De chapitres de mangas différents. À la suite de ça, les gens, ils peuvent aussi voter avec un fascicule qui est dedans. Ils peuvent envoyer leurs trois meilleurs chapitres à l'éditeur, en fait. Donc, c'est la Shueisha qui fait ça. Et donc, plus le manga est populaire, plus il reçoit des votes et plus il peut après être sérialisé, avoir des animés et aussi continuer la publication au Japon, quoi. Donc, ça fait un chapitre par semaine, et souvent, en fait, c'est les mangaka qui écrivent, ils le font vraiment d'une semaine à l'autre, quoi. Ils n'ont pas des chapitres en avance ou très peu. Donc, c'est un rythme assez soutenu. C'est le truc chez les mangaka, c'est vraiment, ils doivent scénariser, vu que souvent, s'ils sont seuls, ils scénarisent et ils dessinent, et ils font un chapitre par semaine. Aussi, le fait que plus le manga est populaire, et plus ils peuvent avoir aussi des assistants avec eux, en fait. Mais t'as un manga super Bakugan. Ça s'appelle Bakugan, J'avais adoré par le scénariste et dessinateur de Death Note. De Death Note, exactement. Et ça raconte exactement ça. C'est exactement ça, ouais. Et c'était un super manga, en plus, les dessins de Death Note, tu les retrouves aussi, c'est vraiment super bien. Mais ouais, c'est. Franchement, l'animé. Ouais, Bakugan, franchement, j'avais avant de regarder. Et ça donne. Franchement, et ça reflète vraiment ce que chaque mangaka doit vivre, quoi. Mmh. Et la pression aussi, c'est pour ça quand ils disent les mangaka ils tombent malades et tout, et que t'as du retard, mais ouais, parce qu'ils ont plus de vie, quoi. Donc, j'ai une question, Adrie. Ouais. Toi qui t'y connais pas mal en manga, en tout cas, plus que moi et Nico, est-ce qu'il y a déjà des mangas qui ont réussi à vivre hors ce système-là? Le mangaka il pose ses couilles, une autopublication, il voit directement quelque chose. Des mangas connus, je te parle, hein, pas des. T'as un exemple récent, très récent. Ouais. C'est Made in Abyss. Puisque le mec, en fait, a commencé en autopublication sur Internet. C'est-à-dire que c'était même pas du support papier. Le mec publiait, en fait, comme on lit des scans pirates. On n'achète pas de ça ici, on achète. On achète. Et Made in Abyss, le mec a commencé comme ça. Il a commencé en ligne, et après il a été publié, et après il a été édité. Et du coup, bah, c'est la success story qu'on a, puisque il n'y avait même pas 3 ou 4 tomes de sortie là-bas qu'il y avait déjà un animé qui était signé. Ouais, bon, par contre, c'est une histoire sur 1 milliard. Parce que c'est un mec qui a réussi pour après, 1 milliard qui font de la fanfic et qui sortent jamais de ça. Je pense un peu aussi à Radiant, qui est un manga français. Et donc, du coup, il a été obligé de, lui, commencer à publier. Mais bon, c'est un peu... C'est un peu hors système parce que c'est pas vraiment du Japon, au Japon. Quoi. Oui, c'est... Mais, il a tout sorti en France, après il est allé au et Japon. Après, et mais ça a super marché en plus au Japon. Ils ont même fait un animé Radiant. Quoi. C'est... Franchement, c'est ouf. Moi, je l'ai vu dernièrement sur Netflix, justement. Oui, oui. Ouais. Donc voilà. Ensuite, on avait demandé, on avait posé quelques questions sur nos réseaux. Oui, en effet. On avait posé la question, est-ce qu'on aimerait bien avoir ce système en France? Alors clairement sur Instagram, il y avait beaucoup de personnes qui m'ont dit oui, sauf un, notre libraire Guillaume qui a dit non. Donc comme ça. Il a même enchaîné que ce système avait été testé en France il y a quelques années. Alors lui il me disait 8 ans, mais il en était plus trop sûr quand je lui ai posé la question en live, et il miserait plutôt sur un peu plus, mais voilà. Ouais, moi je pense que aussi peut-être le problème aussi c'est le rapport qualité-prix, tu vois. Est-ce que, et puis les droits d'auteur aussi, parce que ce qui est bien au Japon, c'est que eux, vu que ils ont cette revue là parce que c'est les derniers chapitres qui sortent au dernier moment. Alors est-ce que ça serait un peu pas redondant? Je pense qu'il y a un autre France truc aussi c'est que la publi, enfin c'est pas la même culture, tu vois. Ouais, nous on n'a pas la culture publi, tu l'as dit tout à l'heure, les votes, c'est ce qui fait la vie ou la mort d'un manga papier là-bas. Nous, on n'a pas cette culture-là. Mmh. On n'a pas la culture de recueil, on va dire. On préfère acheter un tome. La consommation de manga en France, c'est plutôt le tome plutôt qu'au chapitre. Donc du coup, les publics, je suis pas sûr que ce soit véritablement judicieux. Et ça fait tellement longtemps qu'on consomme le manga ça, en fait. sous forme de tome. Ça pourrait intéresser que très peu de personnes. Pour faire un parallèle aux comics, un peu comme les kiosques, quoi. Je veux dire, très peu de gens. Enfin, les kiosques, c'est quelque chose un peu d'élite, quoi, ou de vraiment de spécialiste. Moi, qui ne suis pas du tout un spécialiste, j'achète des comics en tome. Et encore parce qu'on me les a commandés, jamais en kiosque. Et encore non, parce que les kiosques de base, quand même, c'était surtout pour les nouveaux lecteurs ou les jeunes lecteurs qui avaient peu de sous. Les kiosques étaient la meilleure solution parce que on les trouvait partout, et ça coûtait quoi 6 euros le kiosque, et t'avais 5 aventures différentes. Voilà, mais ça c'était avant, oui. Bon, 8,70 €. Ça, on va bientôt en reparler. Ouais, hein. Mais du coup, pour revenir sur les publications, après il y a peut-être un autre truc, parce que, enfin, moi je vois comment je le ressens, c'est que le shonen, comme le Shonen Jump, tu vas avoir 10-11 mangas. Sur les 10-11 mangas, tu vas peut-être suivre 1, 2, 3 séries grand maximum, et le reste tu t'en fous. Du coup, c'est pas que c'est cher, hein, en vrai, ça coûte que dalle, mais voilà quoi, pourquoi s'encombrer il y a aussi un autre point, c'est ça aussi je pense qu'il y a Atrium aussi au Japon, c'est que ça coûte pas cher d'avoir un gros recueil comme ça. Après quoi, c'est fait avec du papier quand même de merde, la qualité est pas top, mais c'est vrai, le papier c'est ce qui fait le prix par contre, mais voilà, c'est vrai que l'image qui est gravée, vraiment ce qui est imprimé sur le truc, c'est pas forcément net. Là on vient de le voir vite fait. C'est un côté fou un peu, même les lectures en japonais, je sais même pas comment ils arrivent à voir, parce que t'as des trucs, c'est pas super bien marqué. Ouais. Donc c'est vrai que sur la qualité, c'est pas super bien. Mais par contre, c'est vrai que c'est beaucoup consommé. Par contre, il y a un autre problème en France, ça va être une question de droit. On peut pas, parce que bon, Dr. Stone qui est publié chez Glénat, il me semble, non? En France. T'as Maïro qui est publié chez Kayoun. Et voilà, à moins que les éditeurs sortent un Shonen Jump chacun. Genre un Pika, Pika Jump, Pika Jump, un Pika Weekly Shonen, tu vois. Sinon, c'est compliqué. Et encore, c'est bien pour découvrir un truc, mais en vrai, moi, je pour le suivre. Enfin, moi, c'est mon avis à moi. Personnellement, le système publication en France. Oui. Et puis, même moi, je ne serais pas client, clairement. Non. Bon, donc, je pense qu'on va rester voilà. Sur nos bons vieux mangas par tome. Hein. Oui, ouais, c'est, ça reste le, le plus facile et puis le plus consommé en France. Quoi, de toute façon, ouais. Sinon, moi, je lance une proposition, vu que je me remets au manga, c'est de faire des jumps de vieux mangas qu'on ne peut plus retrouver maintenant, imprimés, afin de pouvoir les relire. Je lance cette pétition s'il faut pour les gens. Je serai le premier à signer, Nico. En parlant de ça, c'est pas Shaman King, c'était pas publié chez Kana et que Kana a décidé d'arrêter de les éditer, enfin de les éditer. Et donc, alors, ressortir. Ils doivent ressortir un coffret intégral de Shaman King, mais effectivement la publication des tomes a été arrêtée. D'accord. De Shaman King. Donc voilà. Donc avis aux spéculateurs, dès que vous voyez ce coffret, achetez-le. 6 mois plus tard, vous le vendrez au triple. Alors moi je le revendrai pas, mais oui je vais me l'acheter. Bon ben sur ce on va attaquer l'interview. Ok, mais c'est parti pour l'interview là. Les yeux dans les yeux, c'est au moment où Geoffrey va faire son interview. Et donc c'est parti avec l'interview de Nebu. Bon, on va faire simple pour la première question. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Ouais, ok. Ben, moi, je suis Nebu. Donc, du coup, tu m'as invité en tant que membre du staff TGS, donc du Toulouse Game Show, qui est à Toulouse, qui se passera cette année, donc le samedi 30. Non, attends, c'est quoi? C'est 30 et 31? C'est 31, samedi 31 et dimanche 1er. Hein, c'est ça. Donc, c'est. Là, tout de suite. C'est le 30 et 1er, il n'y a pas de 31. Ah ouais, il n'y a pas de 31 novembre. Ouais, donc c'est le 30 et le 1er, d'accord. Ah oui. Ben, ça y est, ça commence bien. Quoi. Donc du coup, au Parc des Expos, le TGS, pour le présenter vite fait, c'est quand même un des plus gros salons francophones sur l'univers de la culture geek, tout simplement. Voilà, donc j'ai la chance de faire partie de l'équipe d'organisation. Alors, on va commencer un peu par revenir vers le passé du TGS. On est quoi, sur la 12e édition? 13, je crois. 13? Je crois que c'est la 13e, ouais. Oui, non, je crois que c'est la 13e. Normalement, c'est la 13e. Alors, je t'avais annoncé, il n'y a pas de question piège. Hein. Non, mais sur les chiffres, non, mais je sais que c'est la 13e, ouais. Normalement, c'est ça. Alors, vous avez commencé à l'époque à Diagora, où Adrien et moi, on était allés sur la 2e ou 3e édition déjà. Et vous avez évolué au niveau des parcs, des expos. J'y étais aussi. Oui, mais pas. Oui, mais t'étais pas avec nous. On s'est croisés. On s'est voit, mais. Voilà. On s'était croisés. D'accord, mais merci. Ok. Non, non, mais j'ai une chaîne insolente, c'est Sweeping Community, si ça vous intéresse, parce que je rampe tout. Donc Nico était allé aussi à son époque un peu en solo, et moi j'étais avec Adari parce qu'on était en cours, tout simplement. Non, en cours ensemble. On va raconter notre vie privée grâce à toi, Nico. Et le créateur du TGS, comment il voit ce recul, 13e année, ça fonctionne, et je crois qu'il y a de plus en plus de monde à chaque édition, quasiment. Et s'il a un recul, quoi, au niveau du TGS, même toi, tu as fait partie du staff, quel est ton moi, recul? Moi, ça fait depuis 2010 que je fais partie du staff, donc ça fait quelques éditions aussi. Et en fait, t'as pas vraiment de recul parce que quand t'es dans l'organisation et tu veux que tout fonctionne au maximum, ce qui fait que tu comment dire, enfin moi à mon échelle, après je sais que donc Fred Deves qui est le directeur, ça doit être encore différent, mais il faut pas te, enfin si tu imagines le nombre de visiteurs que t'as, tu te fais submerger quoi, tu vois, parce que c'est vrai que c'est 60 000 visiteurs maintenant. Et que quand ça avait commencé, ouais, c'était genre même pas 8000, tu vois, 5000, déjà à l'époque, on était là, il y avait du monde. Voilà. Donc, du coup, le recul, ça fait plaisir, sachant qu'il y a eu des hauts et des bas, puisque sans rentrer dans les détails, il y a eu quelques petites complications l'année dernière. Donc, du coup, c'est toujours cool de voir les gens qui se pointent sur le salon et qui kiffent, quoi, tu vois, ça, c'est toujours génial. Et alors, sans rentrer dans les détails, mais il y a beaucoup de personnes qui sont encore à l'époque du Spring Break ou de l'Ohanami, qui est devenu maintenant Popcorn. Juste en deux mots, hein, sans vouloir te mettre dans la panade, tu peux expliquer vite fait la différence maintenant ou pas? La différence, bah, c'est juste que c'est plus la même société, en fait, puisque le TGS, c'était jusqu'à l'année dernière deux associés qui se sont séparés. Fred Deves, donc, a lui conservé la marque TGS, Sébastien Laurent a créé Popcorn avec son équipe. Et du coup, c'est deux salons qui sont dissociés, enfin, c'est deux marques différentes, tout simplement. Et deux équipes différentes qui organisent ces salons. D'accord. Et on peut dire également que la marque TGS fonctionne très bien, parce que bon, il n'y a pas que Toulouse maintenant, il y avait Pau qui était un des premiers, Lyon depuis 2-3 ans. 2 ans, ouais, c'était la deuxième édition cette année. Ouais. Et voilà. Il y a Perpignan et Montpellier. Donc ouais, ça fait 5 dates, qui est plutôt pas mal. Donc vraiment, l'idée de Fred, ouais, c'est de créer une marque, la marque TGS. Pour faire des salons et apporter des salons dans des endroits où ils n'ont pas la chance d'avoir des salons geeks. Pourquoi Lyon ? Parce que bon, quand même, Perpignan, Montpellier, Toulouse, on comprend, mais Lyon, c'est quand même aussi de la Garonne. Alors quoi, Lyon, effectivement, ouais, bon, alors c'est loin, et puis pour le coup, eux, ils avaient pas mal de salons, mais bon, c'est les opportunités qui ont fait que ça s'est fait là-bas. Quoi. D'accord, c'est cool. Oui. D'apporter Toulouse, tu vois, jusque dans le nord, c'est bon. Oui, quand même. Lyon, excuse-moi, c'est pas tout à fait le nord. Je veux dire, ça doit être à 50 km plus au nord de Toulouse, tu vois, à peine. Ouais, non, mais c'est au-dessus de la Garonne, tu vois, qu'il arrive, d'accord. Je suis pas sûr, parce que Lyon, est-ce que c'est pas au même niveau que Bordeaux ou en dessous Attendez, Wikinico va regarder Wikisweep. Je veux juste vérifier quelque chose. Regarde les latitudes et longitudes de Lyon et de Bordeaux, on va voir. Alors, on va quand même parler un peu de cette édition. Alors, juste pour le coup, même Toulouse est au-dessus de la Garonne. Merci. Elle est coupée en deux, la Garonne au milieu. Bon, Nico, tu sors. C'est pour dire des choses comme ça. Bon, en fait, on va annuler la dernière partie de l'émission. Merci d'être venu, Nico. Et bon, alors, on va revenir aux choses sérieuses quand même, un peu. On est quand même une émission de professionnels, ou en tout cas presque. Et on aimerait quand même que tu nous détailles un peu ce qu'il y aura cette année, quoi, au TGS, tout simplement. Alors, cette année au TGS, comme l'année dernière, c'est 5 halls, sauf que là, on est un petit peu décalé, puisqu'il n'y a plus le hall 2, plus le hall 3, mais il y a le hall 7, qui est plus grand. Et le hall 7, si vous connaissez un peu le Paris des Expos, c'est celui qui est séparé un petit peu. Donc, il y aura une partie extérieure où, en fait, il y aura des food trucks. Donc, du coup, pour la bouffe, ce sera un peu plus cool. On aura toujours le hall 1 qui va être spécialisé sur la culture japonaise, en fait, et ce qui a trait à la culture japonaise, comme l'année dernière. On va avoir, donc, du coup, le hall juste à côté, le hall 4, qui sera, on va dire, essentiellement un hall dédicace. Où vous pourrez voir des auteurs et des artistes comics, mais aussi et surtout, puisque c'est le nerf de la guerre, les youtubeurs. Il va y avoir ensuite le hall 5, qui sera un hall, on va dire, un peu plus marchand, mais avec un gros hall SF, avec des animations SF et tout ça. Et le hall 6, toujours pareil, où c'est jeux vidéo, l'amphithéâtre, et tout un tas d'autres trucs de jeux vidéo. Et donc ensuite, on a le hall 7 où ce sera entièrement pour la scène, l'entre-deux où il y aura les food trucks, et la nouveauté de cette année, c'est qu'il y aura des manèges à l'extérieur. Okay. Il y aura des auto-tamponneuses et il y aura un truc à sensation, mais je ne sais plus trop comment il s'appelle. Ok, cool. Donc voilà pour en gros le truc de cette année. C'est toujours au Parc des Expos, en attendant l'année prochaine, j'espère, d'être au nouveau Parc des Expos. Ouais. Je voulais poser la question, j'ai la réponse, voilà. Normalement, ouais. On devrait y être l'année prochaine. Mais bon, d'abord cette édition-là et après on verra. Alors, en fait, cette édition-là est totalement une édition de transition, quasiment. alors c'est ouais, alors c'est à la fois de transition et à la fois comment dire de confirmation, dans le sens où comme j'ai dit un tout petit peu plus tôt, il y a eu des complications l'année dernière avec la rupture entre les deux associés, et du coup il a fallu restructurer les équipes, restructurer pas mal de choses, et donc cette édition là est vraiment la concrétisation, on va dire, de tous les efforts et de tout ce qu'on a travaillé nous équipe sur toutes les autres éditions de l'année. Et là, cette édition-là, ça va être vraiment alors à la fois transition, mais à la fois, du coup, voilà les gars, on est en place, voilà ce qu'on a fait. Cool. Moi, j'ai hâte d'y être, en tout cas. Oui, moi aussi. Quel enthousiasme. Non, moi ça me fait plaisir toujours d'aller au TGS. C'est ouais, franchement, c'est la première convention, on est tous allés, je pense, même Nico, c'est ta première, t'es pas allé ailleurs. Ah ben je pense que j'ai jamais eu autant de souvenirs d'un truc geek que les conventions du TGS, surtout les premières où j'y allais en VIP, on avait les artistes assis à côté de nous dans les salles de pause et tout ça à l'époque. Où vous voyez la moindre personne, on était encore des ados, fous, on était fous, ça. Donc le TGS ça perce notre cœur, tout simplement. De toute façon, après, dans le sud-ouest, t'avais pas trop de conventions. Ah ouais. Oui, il y avait pas, quasiment rien. Il y avait rien, rien. C'était vraiment la réunion. Franchement, à Paris pour la Japan, donc forcément, puis c'est, oui, voilà, c'est cher. Donc forcément, ouais, c'est un gros point de réunion. Donc du coup, ça c'est toujours ça, c'est-à-dire que bon, vous, maintenant, c'est différent parce que vous êtes en presse, quoi. Vous y venez en tant que presse pour rendre compte de ce qui s'y passe. Moi, je suis côté organisation. Mais pour les visiteurs, c'est toujours un rendez-vous important puisque c'est à la fois le lieu pour faire des IRL, mais aussi, du coup, pour pouvoir se lâcher en cosplay et tout ça. Et pour le visiteur, c'est quand même super important aussi, ce rendez-vous, quoi. D'accord. Que des bons souvenirs. Puis même, on fait des rencontres, des meilleures rencontres, et puis on voit, ouais, on voit plein de gens qu'on voit, mais des youtubeurs, ou même, avant nous, on c'était très web-série, quand même. Oui, ben, nous, c'était l'époque des web-séries, on voyait nous, par exemple, nous, je pense qu'on était fous à chaque fois qu'on voyait. Bah, nous, ils font partie des meubles, quoi, ils sont là c'est tout ça. Le temps. Ouais, ils sont c'est là, ça, ouais. Super, ouais. Ils ont toujours la bonne. On fera une émission spéciale sur nous, tellement on a des choses à dire, je pense. Carrément. Et bon, là, on va attaquer la dernière partie de ton interview. Quand même, en parlant un peu du futur du TGS, je pense que vous commencez peut-être à en discuter. Alors, on en discute. Et alors, effectivement, l'année prochaine, ce serait le nouveau parc des expos qui va ouvrir à Beauzelle-Blagnac, là, au bout des pistes. Moi, j'ai vraiment hâte. J'espère vraiment que ça pourra se faire. Surtout que, du coup, Fred les a visités et il nous a dit que c'était vraiment génial. Enfin, ça n'a rien à voir avec le vieux truc des années 70 qu'on se tape actuellement. Donc, en termes d'espace, je pense que... Enfin, en termes de lieu et de structure, il y aura une montée en gamme, c'est sûr. Et après, l'avenir, c'est aussi les autres conventions dans les autres villes. Qu'on espère vont se développer. Celle de Pau marche très bien, celle de Lyon c'est pas trop mal, Perpignan et Montpellier c'est toujours un plaisir aussi, donc renforcer ces présences là. Alors là on va parler vraiment de quelque chose d'assez personnel à nous qui parle de comics, mais est-ce que en 2020 on pourra dire que le TGS de décembre, TGS de Toulouse sera un peu renforcé pour les comics, parce que là c'est pauvre. En fait moi j'aimerais bien, mais en vrai ça dépend pas, bon déjà de moi, mais ça dépend aussi surtout des contacts qu'on a et des gens qui s'occupent d'inviter les comics, tu vois. C'est toujours un peu compliqué, et puis bon c'est un coup aussi de faire venir, quoi. Mais oui, moi je suis d'accord avec toi, faire venir des auteurs de comics ce serait vraiment génial. Il y a quelques assos qui s'en occupent. Et on espère qu'ils vont renforcer leur carnet de contacts pour nous en faire venir, pour faire venir des noms cool. Bon, ben maintenant, après nous avoir fait saliver avec tout ça, on va passer peut-être sur le focus du mois. C'est le moment où l'équipe d'Occitanie Comics se concentre sur un point. Sans transition, on va enchaîner sur notre petit focus du mois où on va parler de l'univers Warcraft qui a fêté un courant du mois de novembre ses 25 ans d'existence. qui est quelque chose de, quand même d'assez exceptionnel dans ce qui concerne le jeu vidéo. Il n'y a pas beaucoup de licences qui fait mieux, à part chez Nintendo, bien sûr. Mais bon, chez Nintendo, c'est quasiment du hors compétition. Zelda. Pardon, tu le disais Zelda. Merci, Alric. Final Fantasy, c'est pas Nintendo. Oui, c'est Square. Enfin, chez les Japonais. Quoi. C'est... Et on a de la chance parce qu'on a Nebu qui était à la BlizzCon de cette année, qui va pouvoir peut-être nous parler un peu de la prochaine extension de World of Warcraft qui va arriver pour 2020. Fin 2020, comme d'habitude. Bah écoute, il n'y a pas de date, hein, mais tu peux le précommander déjà, et il y a marqué qu'il sera livré avant le 31 décembre 2020. Ouais. Voilà, ça laisse une sacrée fourchette. C'est très vague comme d'habitude, mais bon, c'est où donc, bah, on peut spéculer, mais bon, c'est pas le lieu pour le faire, mais bon, je pense que ce sera pour le quatrième trimestre. Quoi, oui, pour bien finir les... Septembre-octobre, quoi, tu vois. Pour bien signer les comptes pour 2020. Oui, oui. Si on dit ça méchamment, oui, peut-être. Allez. Mais bon, ils ont plein de jeux à sortir aussi, donc du coup... Ouais, on va pas parler des autres jeux, parce que sinon on va perdre Nico. Ouais, exactement. Et ben, on va peut-être commencer par toi, Adri, des souvenirs de l'univers Warcraft. Ouais, les premiers, hein. Je sais plus sur les Warcraft. Là. Et moi, franchement, il y a un truc qui me vient à l'idée, c'est en plus prendre des souvenirs de TGS sur les Warcraft sur tablette. Oh putain, oui, cette table-là, c'était sur la... C'était sur la table basse. On jouait, nous, sur PC, sur Warcraft et tout, des heures dessus, et là, on a plus la tablette tactile où... Franchement, c'était les premières tablettes, et avoir une table énorme pour jouer juste à Warcraft. Je me demande si c'est pas Epitech qui l'avait fait. Si c'était Epitech, je sais plus. Ouais, je mise sur Epitech, mais cette table-là, on pouvait choisir des troupes de la Horde, parce qu'il n'y a pas d'autre camp que la Horde, éliminer, sabater la gueule de l'Alliance, mais c'était un plaisir fou. Sur tablette, tout à fait. C'était stylé. Pour l'époque, c'était franchement. Donc voilà, petite anecdote de Warcraft que j'ai en tête. Sinon, ouais, après, WoW, hein. WoW, on a tout joué. J'ai commencé à jouer avec toi d'ailleurs, Jeff. Ouais, que j'ai joué beaucoup. Ouais, bon, on va pas parler sur quel type de serveur. Non. C'était illégal. Oui. Oh, sérieusement, les gars. Bon, Nico, vas-y, tu t'as pris la parole. Moi, les premiers souvenirs. Alors déjà, il faut savoir que Warcraft en général, surtout dans les débuts, c'était un gouffre financier pour moi, avec WoW et tout ça. Pas à cause des forfaits. C'était tout simplement parce que j'ai commencé, donc j'avais commencé avec Warcraft 3, Frozen Throne et après WoW. Mais en fait, j'y jouais en cybercafé. Donc c'est là où j'ai claqué toutes mes thunes, c'était là-dedans. Donc j'ai commencé avec le Frozen Throne. Après, donc, avec l'arrivée de WoW, je joue à WoW, j'ai créé un nain chasseur qui n'en déplaise à Jeff, qui était Alliance au départ. Mais, comme j'ai dit, c'est un cybercafé, donc au bout d'un moment, ça coûtait des sous, j'ai un peu arrêté d'y jouer, sauf en allant sur ce que d'autres ne veulent pas dire, des serveurs privés. Mais ça n'existe pas. C'est pas bien. C'est pas bien. Et à savoir que les serveurs privés, c'est de la merde parce qu'il y en a qu'un qui respecte les trucs. Donc, soit t'avais des mods super bizarres, soit. Moi, j'ai jamais trouvé des serveurs privés comme il fallait. Et après, donc, très récemment, avec WoW Classic, je me suis remis à WoW. Et donc voilà. Et toi, Jeff, alors? Ah, et moi? Mais toi, Jeff? Honnêtement, mon premier, c'est Warcraft 3, quoi. C'est vraiment là où j'ai pu commencer à jouer à Warcraft. Et puis après, y avait l'extension. Et après, c'est comme Nico, quoi. C'était le cybercafé, quoi. Pour WoW, je crois que j'étais avec toi en plus, Nico. On avait fait la dernière semaine de Vanilla d'existence, où j'avais commencé sur la dernière semaine de Vanilla, pour après qu'on recommençait à zéro avec Burning Crusade. Parce que Cybercafé avait perdu mon perso. C'est pas mal. Voilà. Et j'avais commencé Démoniste Mort-Vivant, et j'ai recommencé à Burning Crusade, notre seule race vraiment... qui est fonctionnel dans WoW. Elfe de sang, c'est elfe ça de sang, elfe en de Paris, sang. On lance les paris. Elfe de sang. Oh là là là là. Et vu qu'il n'y a qu'une seule classe qui fonctionne et qu'ils comprennent la magie, les démonistes. Voilà. Voilà. Après, ça a été. On y est. Hein, c'est ah ouais, il n'y a vraiment rien pour toi. Hein. Et démoniste. Ah ouais, non mais. Le type, quoi, sans déconner. Puis après, bon, c'est serveur privé. Une fois que j'ai commencé. Dans Pathfinder. C'est une catastrophe. On parle pas de rôle, on parle pas de jeu de rôle ici, on parle de MMORPG c'est totalement différent. Et non, après ça a été serveur privé, puis serveur offi, et puis des heures de jeu avec les copains, ben, du club de jeu de rôle. Et puis j'ai arrêté, puis je me suis remis dernièrement avec la dernière extension et classique. Étonnez-vous. Étonnez-vous. Avant que tout le monde t'oublie. Ça commence plus avec Blizzard, enfin avec StarCraft, parce que moi j'étais au collège à l'époque et StarCraft, j'avais un pote qui avait ça et je trouvais ça génial. Et déjà était sorti Warcraft 1 et Warcraft 3, mais ouais. Du coup je trouvais ça de moche déjà à l'époque. Et surtout que lui il avait sur PlayStation, donc c'était assez naze. Warcraft 2 sur PlayStation. Warcraft 2, ouais. Du coup, par contre, aimant StarCraft 1 ayant une annonce pour le Warcraft 3, bah, je me suis mis à l'univers Warcraft par Warcraft 3, que j'ai adoré. Vraiment, j'ai kiffé. Et du coup, bah, quand j'ai eu l'accès au vrai Internet, c'est-à-dire la DSL et pas le 56K de la maison à la campagne, là, je me suis vraiment mis au ladder sur Warcraft Frozen Throne à l'époque. Et c'est là que j'ai rencontré un petit peu une communauté de joueurs et qui m'ont parlé de WoW, de World of Warcraft, qui allait sortir, et que c'était un MMO, je ne connaissais pas du tout. On m'a expliqué ce qu'était un MMO, ce qu'il fallait y faire et tout ça. Donc ça, c'était il y a 15 ans. Et WoW est sorti, et depuis, je n'ai pas décroché. Et puis, c'est à la fois l'univers Warcraft, mais pour moi, il est indissociable de Blizzard aussi. Puisque bon bah Nico toi tu es fan d'Overwatch mais Blizzard c'est aussi plein d'autres jeux et du coup je pense que Hearthstone a été un des derniers enfin avec Overwatch bien sûr mais sont passés de WoW à Hearthstone à sa sortie. Moi je me souviens avec mon Game Master on avait passé une nuit complète en semaine sur Hearthstone. Au lieu de. On s'est déconnecté à 22h du jeu pour se connecter à Hearthstone, on a fait des parties jusqu'à 4h du mat. Ouais, bon, moi j'ai arrêté un peu Hearthstone parce que c'était mauvais pour mon taux de sel. un peu trop salé sur Hearthstone, beaucoup trop de RNG pour moi. L'RNG c'est donc le côté aléatoire. Ouais, ouais. Beaucoup trop de ça dans ce jeu-là. Et alors moi aussi j'ai passé des nuits, mais des nuits où tu arrives niveau 3, 4. Tu dis, bon, allez, je vais passer légende, et que, t'es à 5h du matin et t'es niveau 14. T'as envie de tout casser autour de toi. Tu me rappelles des mauvais souvenirs. Voilà. mais alors, ça a changé depuis, puisque tu ne peux pas, quand tu passes le palier 5, tu ne peux pas revenir en dessous de 5, en fait. Bon, bref. Dans tous les cas, j'ai pas envie de replonger, et il y a un autre truc aussi, c'est que, il y a beaucoup trop d'extensions et pour rester compétitif, maintenant il faut dépenser trop d'argent. Ah ben, c'est devenu trop comme Magic. Du coup. T'as les extensions, les aventures, il y a trop de choses maintenant. Ouais. Ouais, c'est complètement pour ça que j'ai arrêté de jouer. Honnêtement, encore le côté RNG, monter, descendre, j'étais pas trop tryhard à vraiment aller en dessous du rang, machin. Tu vois. Heureusement, j'avais pas ça, mais par contre, je kiffais quand même jouer, tu vois, voilà. Et alors, les systèmes maintenant d'extension tous les 3 mois. Tous les 2-3 mois, ça m'a tué. Ça m'a tué parce que déjà, je voulais pas mettre trop d'argent déjà dedans. Alors, des fois, de temps en temps, j'ai allez, je me préco le truc, comme ça, j'ai, je sais pas combien de. Allez, j'ai 50 paquets, machin. Ouais, mais c'est et puis, tu te rends compte que 2 mois plus tard, en fait, les trucs, elle a changé. Donc, si t'as pas les nouvelles cartes, t'es mort ou ça va être compliqué. Le truc qu'ils ont fait, c'est maintenant, dans les parties officielles, si tu veux monter ou autre. C'est que les dernières extensions. C'est comme Magic, tu vois, sur les formats. Enfin, je sais pas si vous jouez au Magic. J'ai pas trop joué à Magic. Ben, Magic, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que t'as le format qui va comprendre quasiment toutes les cartes. Et le véritable format compétitif, c'est le format standard, qui va prendre les dernières extensions en date. Alors, toi, tu parlais de WoW quand il est sorti, qui t'avait coûté des thunes monstres. Mais moi, c'est le contraire. Ça m'a fait des économies. Puisque je jouais, moi, à Magic énormément avant la sortie de WoW. J'ai claqué un fric monstre. Tous les 3 mois, il y avait une extension, que t'achetais un paquet de boosters et t'en avais pour 100 euros, 110 euros, tu vois, de boosters. WoW est sorti, j'ai arrêté Magic puisque je sortais plus jouer aux cartes. À la fin du mois, je me suis rendu compte que j'avais de l'argent sur mon compte. Parce que de 100 et quelques euros par mois de booster de cartes et de machin, tu passes à 13 euros par mois pour jouer. Donc du coup, c'est cool. Là, pour le coup, moi, j'ai fait des économies sur Magic, c'était un truc. Moi, je me souviens que j'avais commencé Magic. J'achetais peu, par contre je m'étais fait piller parce que c'était un ami et son père qui jouaient vachement, qui avaient des tonnes de cartes. Il me disait, ouais, venez, donc on avait acheté des boosters. Et vu que j'avais qu'un booster et que j'avais pas trop de quoi faire un deck et tout ça, il m'avait piqué mes meilleures cartes pour m'échanger des merdes histoire que je puisse composer mon deck. Mais Magic, c'est vrai que j'y jouais vachement et ça coûtait des thunes. Ouais. C'était la séquence Warcraft, bien sûr. Voilà. Oui, voilà, on s'éloigne là, les gars, c'est pas faute. On s'éloigne un peu, mais on va quand même revenir un peu, on va essayer d'aborder un peu le côté cross-média parce que bon. Warcraft, c'est trois jeux de stratégie, un MMO qui a 5-6 extensions. On va sur la 9e. Non, pas c'est pas grave. Je rectifie. Heureusement qu'on a des vieux avec nous. 9 extensions. La 9e va sortir l'année prochaine. Voilà, donc on est à 8 extensions. Enfin, c'est... Oui, voilà. Ouais. Ouais, voilà. Ce sera le 9.0. Il y a un jeu de rôle aussi, non? Ouais. Il y a eu le jeu de rôle qui est sorti. Mais il y a également un film, il y a eu des mangas, des BD, des romans, des comics également, il y en a un qui est sorti dernièrement chez Panini d'ailleurs. C'est vraiment cet aspect cross-média. Bon, toi, t'as rien lu? Le film, j'ai joué quand même. Et en plus, j'ai commencé les mangas. Alors. Et c'est pas mal, j'aime bien l'ambiance. J'avais pas trop kiffé, moi. La BD, j'avais adoré parce que la BD était canon, du coup, pour le coup. Elle était intégrée à l'histoire. Ça racontait l'histoire de Varian, du coup, l'ancien roi de l'Alliance. Et pour le coup, la BD était cool. Mais après, tu parlais d'univers étendu, t'as même des livres de cuisine. Moi, je sais que je l'ai offert à un pote qui est cuistot. Et des fois, on se fait des côtes de chimère, côtes de sanglier, des trucs à la rigue. Les métiers inutiles d'en haut, la cuisine, tout le monde se passionne. Ouais, mais toi, c'est parce que tu n'as pas fait de raid, c'est pas possible. Parce que quand tu es en raid et que. Le banquier ? Juste avant. Non. Non, le banquier, ça c'est un truc de communiste. et puis c'est pas optimisé. Parce que le banquier il va te donner une stat précise, alors que la bouffe que tu vas bien prendre, mais il faut que ce soit une bouffe qui soit optimisée pour toi. Donc soit tu vas l'acheter, soit tu la craftes. Et c'est quand même mieux de crafter, on est d'accord. C'est moins cher en fait. C'est moins cher, voilà. L'avantage du craft quand même, parce que moi je suis revenu sur classique et j'ai décidé d'avoir des vrais noms de perso. Watou, Kerviel, Lidl, tout simplement parce qu'à l'achevé... Lidl, un vrai nom de personne, est d'accord ? C'est en charte, ça. Tu vas te faire report, mec. Ah. Tout simplement parce qu'à l'achevé, je suis le moins cher. Venez au niveau de l'achevé, je suis le moins cher, je vends des choses pas chères, je pense à votre portefeuille. Venez, les gars, venez, il n'y a pas de problème à l'achevé. Si vous voyez Lidl ou Watou côté Alliance... Sachez que c'est le moins cher du marché. T'as fait un perso dans l'Alliance. Ouais, donc par contre, Alliance, donc c'est un traître, les gars. Fournissez l'Horde. Il a vu la lumière, c'est bien. Et mon troll Kerviel est le moins cher côté Horde. Je tiens à le préciser, c'est important. J'ai l'impression d'entendre les vieilles conneries dans. Merde, c'était quoi ce jeu sur Play Il y en a eu 3 dans l'espace avec le Major Shepard. C'était les. Surplay, ah oui, Mass Effect. Avec le coup de Je suis le Major Shepard, et cette boutique est ma préférée. Voilà, avec Jeff, c'est. Et moi, je vends les trucs les moins chers, venez chez moi. C'est génial. Bon. Non, mais voilà, il n'y a pas clash. Surtout qu'en plus, bref, on s'en fout, mais elle va être refaite pour la 8.3. Il va y avoir un nouveau système. Ah merde. Si tu joues sur classique, ça te concerne pas. Oui, c'est sûr. C'est vrai que maintenant que classique est sorti, je suis beaucoup sur classique. Bon, je vois que l'heure tourne. Juste, quand même, pour qu'on puisse parler de la dernière extension, est-ce que c'est un retour en arrière? Non. Alors déjà, moi, je vais juste revenir sur les 25 ans et les 15 ans de Warcraft, parce que du coup, j'étais à la BlizzCon, comme je t'ai dit, et il y avait vraiment, tout l'univers de la BlizzCon était vraiment tourné autour de cet anniversaire-là, où le samedi soir, il y avait une grosse fiesta avec les développeurs. où tu pouvais venir discuter. Bon, enfin, en vrai, discuter, non, parce que tu étais 40 000 et donc tu pouvais pas accéder. Tu pouvais pas accéder à ces personnages-là, mais il y avait des affiches partout, et donc on sentait bien que voilà, c'était 25 ans de Warcraft. Et donc, ils ont annoncé Shadowlands. Retour en arrière, non. Sur certains points, en fait, c'est pas vraiment un retour en arrière, mais c'est que en gros, ils ont été surpris, je pense, même si c'est pas non plus des guignols, par l'engouement de Classics. Parce que WoW Classic a vraiment super bien marché. Et donc, ils ont essayé de comprendre pourquoi WoW Classic ça a fonctionné, et ils ont renvoyé certains trucs de gameplay dans Shadowlands. Je ne sais pas si tu veux qu'on rentre dans les détails. Non, c'est, on risque de perdre pas mal de personnes de comics. Bon, bref. Voilà, ils ont récupéré des aspects classiques, donc c'est, pour Shadowlands, c'est ce qui risque de faire plaisir aux bons des joueurs. Des petits aspects, voilà. Mais après, dans le, si on veut rattacher à ce qu'on discute, c'est-à-dire débat comics et tout ça, ce qu'on aime bien, même si on en a parlé au début avec Rebirth où c'est le bordel, ben Warcraft c'était le bordel jusqu'à un certain moment, et là maintenant il y a une unification du lore et de l'histoire, ce qui fait que d'extension en extension, tu suis vraiment des progressions à la fois de personnages, à la fois de ton personnage et à la fois d'univers, et c'est vraiment cool parce que au-delà du renouvellement du gameplay, ben, t'as envie de savoir ce qui se passe. T'as une vraie continuité dans l'histoire, de exactement. Voilà ce qui s'est passé avant et voilà, voilà les conséquences qu'il va y avoir. Et souvent, en plus, donc tu le vis, tu vois. Et donc, ouais, oui. Donc c'est le plus depuis. Allez, moi je dirais que c'est depuis. Depuis, ouais, juste après Pandaria, tu vois, depuis Pandaria, t'as une continuité sur l'histoire, une unification, une canonisation de tous les trucs, qui fait que, ben, c'est cool d'avoir une nouvelle extension parce que ça prolonge l'histoire. Ça, c'est toujours le gros avantage. Bon, je sais que t'es pas forcément fan des romans, mais il y a aussi, moi, quelque chose que j'adore. Entre chaque extension, c'est le petit roman qui va nous amener cette transition au crime de guerre. Et pour moi, un des meilleurs romans sur l'univers Warcraft que j'ai pu lire. Bah, ouais, alors, moi j'ai un problème avec les romans. C'est-à-dire que je les aime bien, effectivement, parce que ça complète, on va dire, entre guillemets, l'histoire. Mais d'un autre côté, je trouve que l'écriture est assez pauvre, en général. C'est pas du Shakespeare. Hein, non, oui, mais même Shakespeare, c'est un peu de la merde, excuse-moi. non, non, en vrai, c'est chiant. Enfin, je veux dire, c'est plus notre... Mais bon, bref. Et donc, tout ça pour dire que les romans Warcraft sont pas super bien écrits. Et moi, ce que je leur reproche, c'est que ça, notamment Crime de Guerre, du coup, c'est celui du jugement de Garrosh. Ben, en fait, tu pars d'un postulat de base, et à la fin de l'histoire, ben, on est exactement au même statut. Ce qui fait que les deux jeux, sans le roman, peuvent se connecter. Oui, c'est sûr. Surtout que l'histoire, bon, on digresse, hein, excusez-nous, mais l'histoire de Crime de Guerre, c'est le jugement de Garrosh à la fin de Mop, et ça fait transition normalement avec Warlord of Draenor. Effectivement, il y a son procès et il s'échappe, mais il y a plein d'autres trucs qui sont mis en place, notamment ben, les trois sœurs pour ce moment, Sylvanas, Varissa et Aleria. Aleria n'est pas revenue à ce moment-là, mais du coup, il y a une relation qui se fait entre elles et on se dit ça va évoluer, et au final, non, on revient à un statu quo, ce qui fait que si t'as pas lu le roman et que bah, tu reprends comme c'était dans le jeu, bah, oui, y a pas eu trop d'incidence. De manière, les romans sont optionnels, ça c'est sûr. Alors juste pour terminer, on va mettre les choses au clair. Adrien, Alliance ou Horde? les yeux dans les yeux. Moi, non mais moi tu me connais, je suis le côté lumineux de la force. Ça va être l'Alliance. Ça dépend à partir de quelle extension. Bah, mais il y a toujours eu des. Enfin bref. Classique, ok, Alliance, c'est les seuls qu'on n'est pas là-dedans. Voilà, déjà. déjà. Mais certes, c'était pas sur. Bon, classique. Par contre, je précise, j'adore les paladins. Quand j'ai rejoué à classique, comme on dit le paladin, tu sers à rien comme tank, que tu vas pas faire grand chose et tout ça, vaut mieux que tu la joues heal watch, j'étais déçu. Classique, c'est les classes hybrides, bah les gars, vous êtes heal. T'es druide, t'es heal. T'es prêtre, t'es heal. T'es paladin, t'es heal. T'es chaman, t'es heal. Bon ben voilà. Merci classique, c'était génial. Je suis pas public, hein, désolé de le classique. Et début à la couleur de tes chaussettes, je suppose que t'es plutôt horde. Ouais, non, pour l'alliance, toujours. Depuis toujours. Mais je joue chaman. Je joue chaman depuis Burning Crusade. Je joue... Mais Alliance Forever. Bon, et pour ma part, il n'y a que moi mais qui. Mais toi, on le sait tous, toi, Jeff. Est-ce que c'est vraiment. Il n'y a que moi qui connais la vraie lumière qui est la Horde. Parce que bon, il faut quand même dire quelque chose. Les grands méchants sortent généralement du côté de l'Alliance. Sur ce, on va quand même passer à autre chose. Ah, attends. Quand même, vu la position de Jeff, ce serait bien de rajouter un petit morceau de Corneille avec Je suis seul au monde. Voilà. Laissons Sweep nous résumer un nouveau comics. C'est parti pour la review. Allez, maintenant c'est le bon moment, Nico. Il a eu le temps de rien faire durant toute cette émission. C'est son moment, il a deux chroniques enchaînées, il va commencer par sa review. Alors pour ce mois-ci, la review que j'ai faite, parce que c'est le comics que j'ai lu là, que j'ai lu rapidement, parce que remarque que j'ai remarqué, c'est comment dire, Panini commence à sortir ses comics aussi rapidement que les TPB en VO. Chose aussi étrange que ça puisse paraître, Panini commence à rattraper la VO sur la sortie de certains TPB, pas tous, je précise. Et du coup, ce mois-ci est sorti le comics Cosmic Ghost Rider Destroy the Marvel Universe. Non, The Marvel History. Et donc, j'ai lu ce comics parce qu'on connaît tous le Deadpool. C'est Deadpool Kill ou Destroy? Non, c'est Kill Marvel Universe, non? Oui, c'est... et après, c'est Deadpool qui re-remassacre l'univers. Voilà. Histoire de bien se faire violer par Deadpool. Donc, vu que j'aime pas Deadpool, je me suis dit, qu'est-ce que ça va être cette bouse? Et alors, pour résumer rapidement... C'est pas, donc, pour ceux qui le pensaient, le Cosmic Ghost Rider ne tue pas les héros de l'univers Marvel, mais en fait, à la place, il va raconter des récits, en fait, tout simplement pour raconter le début, mais de toute façon, j'ai raconté une bonne partie du comics. Le Cosmic Ghost Rider, qui vient du futur, décide donc de partir dans le passé, revoir sa famille, qui est donc normalement, vu que, pour ceux qui ne savent pas, le Cosmic Ghost Rider, c'est Frank Castle, donc le Punisher, il veut revoir sa famille avant qu'elle ne soit tuée, et donc il parle avec son fils en se faisant penser pour un oncle de la famille, et donc il raconte des histoires de super-héros. Donc première aventure, il raconte une histoire où il est avec les 4 Fantastiques, enfin il raconte plusieurs histoires, parce que c'est ça le problème de ce récit, le Cosmic Ghost Rider raconte des histoires où il est mêlé avec des héros, mais en fait c'est des flashbacks rapides de plusieurs événements. Tout simplement, par exemple, pour citer le cas des X-Men, à un moment, on peut passer d'un côté à Edge of Apocalypse, de l'autre côté, Days of Future Past. Donc ça passe rapidement sur des events, mais trop rapidement d'ailleurs, c'est ça le problème. Si on ne s'y connaît pas trop, on est rapidement perdu. Et en plus même, il n'y a pas trop d'explications, pas trop de dialogues. Pour dire sur les 5 chapitres où il revisite un peu l'histoire, le seul chapitre qui prend vraiment son temps, c'est ceux avec les Howling Commando, donc pendant la Seconde Guerre mondiale avec Captain. Parce que, du coup, il n'y a pas trop d'aventures là-dessus, donc ils prennent le temps. Et donc, sur les 5 premiers chapitres, on a le Ghost Rider qui va raconter des histoires. Donc, première partie, 4 Fantastiques, après Spider-Man, après c'est les X-Men, puis donc on a les Howling Commando pour terminer les Avengers, ça va une conclusion. Et chaque chapitre sont super lourds à lire. C'est quoi à dire, mais vu qu'il ne se passe pas grand-chose et que c'est que des résumés rapides, on se fait chier. Honnêtement, les 3 quarts du temps, on se fait chier dans le récit. Et chaque chapitre a la même composition. Début du chapitre, il raconte un petit truc avec le gamin ou autre, et fin du chapitre, il y a toujours un petit teasing. Donc, je crois que fin du premier chapitre, on a directement donc le Cosmic Ghost Rider qui se retrouve face à Watu. Je sais pas si c'est encore Watu, vu qu'il est mort. Oui, avec le nouvel univers, il a dû ressusciter, il me semble. Question là qu'on cherchait pas à comprendre. C'est toi le spécialiste du cosmique, Nico. C'est cette question que tu dois répondre. Pas aujourd'hui, pas maintenant. Et tu vas y répondre. Donc voilà, et après petit à petit, donc par exemple, à un moment on avance aussi dans l'avancée de la mafia qui veut tuer quelqu'un dans un parc et tout ça, donc on sent que petit à petit, on va arriver normalement au moment où la famille de Frank Castle doit mourir. Et donc, tous les récits où il raconte l'histoire, en fait on se fait chier, puisqu'au moment on a les deux derniers chapitres, ou à la fin du chapitre il y a l'événement normalement où sa famille est tuée, et le dernier chapitre qui explique tout, et je sais pas si j'ai le droit de spoiler, non. Mais non. Et ça peut être surprise au lecteur, quand même. Oui, mais techniquement, je ne leur conseille pas le récit au lecteur. Donc, est-ce que j'ai le droit de spoiler? Non, pour moi, c'est un Panini qui perd de l'argent. Enfin, vas-y, spoil. Donc, comme je l'ai dit, avec les 5 premiers chapitres qui sont chiants à lire, déjà, de base, je précise, c'est pour ça que je vais spoiler un peu, c'est lourd, c'est chiant à lire. Donc, pour moi, ça n'a pas de grand intérêt, puis c'est anecdotique. Et donc, le dernier chapitre, en fait, tout simplement, donc on a toute la... Il y a Frank Castle qui veut sauver sa famille, donc il commence à essayer de buter les mafieux. Watu intervient, il se passe des trucs. Et donc, dernier chapitre, on arrive dans le futur où il se passe quelque chose. Donc, au Raft, les Avengers arrivent et ils libèrent quelqu'un qui est dans une prison. Cette personne étant le Cosmic Ghost Rider, et bizarrement, en fait, personne ne le connaît. Donc, les héros et tout ça, quand Frank Castle parle un peu de lui, personne ne le connaît. Jusqu'au moment où, si je me souviens bien, c'est Red Richards qui fait une recherche. Et ils sont tous d'accord pour dire que ben, personne ne se souvient de lui. Pourtant, dans tous les dossiers d'archives, il apparaît partout. Parce que tous les récits en fait, qu'il nous explique, tous les récits qu'il raconte, il a vraiment interagi dans l'univers Marvel. D'où le fait qu'il détruit l'univers Marvel, c'est qu'il a tellement modifié l'univers Marvel que c'est plus l'univers qu'on connaît. Et que normalement, il est censé presque le mener à la fin. Je reprends un peu mon souffle vite fait. C'est un peu le bordel ton truc. Hein, mais c'est le bordel. Enfin, moi perso, tu m'as perdu à Cosmic Ghost Rider. Hein, donc, Mais j'en parle, c'est pour ça que j'en parle en review et pas en conseil lecture, parce que je ne conseille pas pour l'achat, mais après, il a une composition très intéressante. Et donc en fait, c'est Watu qui a supprimé donc, le Cosmic Ghost Rider de la mémoire de tous. Et le truc de fin, c'est tout con, où ben, le Cosmic Ghost Rider sort de la prison, il le retrouve, donc une fois qu'ils ont tous compris qu'ils le connaissaient, mais ils ne savent pas comment, il le retrouve plus loin dans une grotte, et en fait, il les envoie bouler, et puis fin, il ne se passe pas grand-chose. Donc, pourquoi je ne conseille pas ce récit, malgré qu'il y ait des petits trucs intéressants, c'est que c'est lourd, ça n'a pas de grand intérêt, c'est anecdotique, et en plus, là où il fait mal son job, c'est que lorsqu'il raconte les récits, comme j'ai dit, ça passe d'événement en événement, donc par exemple les Oiling Commando, ça prend le temps, mais on passe de petits événements, par exemple Spider-Man, on va voir la partie avec Venom, après on va voir justement la saga des clones et tout ça, ça parle que de petits événements, mais c'est rapide et on n'y comprend rien vu que le Cosmic Ghost Rider change tout en même temps. Alors que derrière, un bon truc que je conseillerai plus tard quand ça sortira en France, et qui reprend un peu le même principe mais plutôt général, il y a le History of the Marvel Universe, qui est là aussi plus concis, plus concret, qui parle de mini-événements, mais c'est quand même mieux raconté. C'est pour ça que ce récit, j'en fais une review pour raconter un peu ce qui se passe, parce que ben, je ne peux pas le conseiller en soi, mais il y a quand même l'aspect intéressant où, pour le coup, il ne détruit pas l'univers Marvel en tuant les héros. Le seul truc en fait, où il détruit l'univers Marvel, c'est qu'il interagit partout. Techniquement, dans ce qu'il explique, c'est lui, par exemple, qui a permis aux quatre fantastiques d'obtenir leur pouvoir. C'est lui qui, bah, une certaine période, possédait la Force Phénix pour donner l'idée, donc c'est les trucs à la con qu'il réinvente, et surtout, à la base, c'est lui, il devait normalement sauver sa famille, et c'est cet événement de sauver sa famille qui devait détruire l'univers, vu qu'il balançait totalement la balance. Donc, voilà à peu près ce que je peux dire, ça a été rapide, et bon, j'ai tout balancé comme ça, il n'y a pas grand-chose à dire, c'est ça le problème aussi avec ce récit, il n'y a pas grand-chose à dire en soi, donc voilà ce que je peux vous dire sur le Cosmic Ghost Rider Destroy le Marvel History. Allez, bon, on va faire un petit tour de table quand même. On va... Qui a compris quelque chose ? Non. Alors, j'ai compris, mais ça ne m'a pas donné envie de lire. Mais c'est d'où pour ma ça. Question. Qui, honnêtement, bon, Nico, on a compris ton avis. Nébu, ça te donne envie de le lire ou quoi ? Bah, alors, c'est. En fait, les Marvel de base, c'est pas ma cam, en fait. Enfin, les. Alors, excusez-moi, je vais tous vous assassiner, les spécialistes de comics, mais en vrai, pour moi, le MCU, il est tellement. Structuré et équilibré que les comics sont trop bordéliques en fait et j'y arrive pas. Les Marvel comics, j'y arrive pas. Les élitistes pourraient te donner tort là-dessus, mais ouais, après, t'as toujours très bon récit de chez Marvel que je pourrais te dire. Non, mais bien sûr, mais même par exemple, bon, j'en ai lu quand même hein, des Marvel, mais même par exemple Civil War, tu vois. Civil War, je trouve ça excellent, mais en vrai, passer le tome 1, ça redevient le bordel. Ça redevient le bordel et c'est vraiment chaud à comprendre, alors, tu vois. Alors, bah, une question. Mais bon, c'était pas ce que tu disais. On part sur un nouveau débat, c'est bien. Non, mais bah, c'est le débat comics, on fait des débats, c'est le cœur de l'émission. Donc, en fait, en gros, tu vas plutôt mémoriser les récits Marvel dans des events, comme Civil War ou autre. Ouais, ouais. Et après, tu vas trouver des séries régulières beaucoup plus intéressantes chez DC, en fait. En somme. Bah, ouais, en fait, ouais, je sais pas trop comment le dire, mais en gros, moi, les Marvel, je les ai découverts, et puis même les DC, si on est honnête, par les dessins animés, tu vois. Et je trouve que c'est plus facile chez DC Comics de choper. Alors, ce que t'appelles les events, je suppose que c'est des one-shots. Ouais, des événements majeurs, tu vois, voilà. Si tu les vois. Je trouve qu'ils sont plus faciles à aborder chez DC Comics, puisqu'ils sont rattachés généralement à un personnage ou à une série de personnages. Alors que chez Marvel, t'as les Avengers, t'as les X-Men, t'as les machins, t'as les trucs, t'as les X, t'as les Y. tu rajoutes, comme chez DC, les reboots de monde, les changements de machin, j'ai du mal. En vrai, j'ai du mal. Les Marvel super-héros, j'ai vraiment du mal. J'arrive pas à rentrer dedans. D'accord, ok. Bon, mais sur on va peut-être passer... À part Venom. Ah, voilà. Venom et Carnage, allez, ça va, c'est cool. Alors, je sais pas si et t'as... petit coup de cœur, excusez-moi aussi, c'est peut-être tabou, mais pour le Spider-Gwen aussi. Spider-Gwen, c'est pas tabou. Je peux te conseiller un truc, Miles Morales. J'ai vu une nouvelle fois l'animé excellent de le Spider-Man Into the Spider-Verse, qui est excellent. Mais une nouvelle fois, c'est pour ça que je trouve que Marvel est bien meilleur quand il passe en version animée ou film. Les dessins animés quand moi j'étais gamin de X-Men étaient excellents. Les dessins animés Spider-Man étaient excellents. Les dessins animés, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre, même les nouveaux Avengers, parce que bon, j'ai pas des gamins, mais j'ai des neveux et des nièces, et donc j'ai regardé les nouveaux Avengers, ça passe aussi, tu vois. Et à côté de ça, les comics, je les trouve bordéliques en vrai. Mais bon, c'est peut-être parce que je me suis pas assez penché dessus. Après, pour répondre à ta question aussi, dans ce que tu nous as cité, donc à part Venom Carnage, Spider-Gwen, c'est un univers alternatif. Oui. Comme le cas de Miles Morales. C'est pour ça que c'est plus abordable, vu que c'est un nouvel univers What, que ça débute directement à ça, et que t'as qu'un run, normalement. T'as pas 50 000 trucs, ou t'as des... Bon, sauf maintenant, une fois qu'ils ont tout fusionné. Pour en revenir à ce que tu nous as présenté, la Ghost Riders, Cosmic Ghost Riders, le principe, et ça rejoint à ce qu'on disait au début de l'émission avec Rebirth, le principe de revenir... dans des événements et je modifie et tout ça, je trouve ça trop facile scénaristiquement et en plus bordélique. Ah mais là en plus de toute façon c'est fait à la con, il n'y a même pas de vrai but à ça dans le comic, c'est ça le problème. Bon, okay. Bon, sur ces propos extraordinaires, on va peut-être passer au niveau des conseils d'achat. Pour terminer cette émission, on vous présente quelques conseils d'achat. Et nous arrivons enfin au niveau de la dernière partie de cette première émission avec Manico qui va nous faire quelques conseils d'achat. Et puis on va faire un tour de table, voir s'il y en a qui ont des conseils d'achat. Alors surtout conseils d'achat, j'en ai deux gros. De toute façon, je lis que du Marvel, donc j'ai regardé les sorties de Panini de ce mois-ci. On sort en novembre, oui. Oui, pour le TGS. Oui, ok, donc on est bien d'accord. Donc ce mois-ci, il y a le tome 2 de Doctor Strange, donc série déjà Doctor Strange de base actuelle de Mark Waid est super bien. Le tome 1 nous a envoyé directement dans l'espace avec une manipulation de magie. Le tome 2 est plus recentré, justement le... C'est très fou, on va d'un côté. Le Doctor Strange donc revient sur Terre. Et donc, pour ceux qui ont lu, si je me souviens bien, tout au long du premier tome, on voit un autre Docteur Strange qui est présent sur Terre, et en fait, on a une révélation, il doit affronter cet autre Docteur, et ça part vraiment plus sur du mystique à l'ancienne avec le Docteur Strange. Mais surtout, le coup de cœur de ce mois-ci, premier tome de ce qui vient de sortir, et qui est vraiment pas mal, j'ai lu actuellement en VO les deux tomes, c'est le Punisher. Le Punisher, donc, de Rosenberg, là, alors en anglais, c'est... World War Frank, je sais pas comment ils l'ont appelé en français, mais c'est juste une pure pépite. Je peux que vous conseiller de lire ça, vous allez vous éclater. C'est badass, c'est génial, il y a que de l'action. Non, il y a pas que de l'action, mais c'est, en fait, c'est une grosse traque du Punisher, et c'est juste génial. D'autres ont des choses à conseiller, du coup? Allez, vas-y, Nébu. Moi, je vous conseillerais, du coup, on reste dans les comics alors, hein. Moi, je vous conseille Oblivion Song. C'est par Robert Kirkman, c'est le créateur de Walking Dead. Il a sorti donc un nouvel univers, une nouvelle série. Il y a deux tomes parus pour l'instant. C'est des tomes assez gros. Il y a de la lecture. J'adore. Alors pour vous faire un pitch vite fait, à la suite d'un événement inconnu, il y a une partie de Philadelphie qui échange sa place avec un autre lieu d'une autre dimension. Et cette autre dimension, elle est habitée par plein de monstres. Enfin, elle a sa faune et sa flore, mais qui est très dangereuse. Et du coup, à Philadelphie, dans notre monde, y a ce monde dangereux qu'il faut éradiquer, et donc qui est éradiqué, et ça devient un no man's land. Et dans l'autre monde, il y a cette Philadelphie qui, les survivants, il y a plusieurs centaines de milliers de personnes qui y sont. Et on va suivre l'histoire d'un gars qui récupère en fait les survivants. Et lui, il arrive avec un appareil qu'il a conçu à changer de dimension et à aller dans la dimension où il y a le morceau de Philadelphie perdu, et il essaye de ramener les survivants qui sont des naufragés post-apo quasiment dans le monde d'origine, quoi. C'est un peu bizarre raconté comme ça, mais il y a vraiment une grosse intrigue derrière et c'est génial, et franchement je me suis régalé. On arrive, vas-y. Ouais, moi j'ai un manga série courte de 3 tomes seulement que j'ai pu lire et comment vous faire, et j'ai bien accroché, surtout en plus graphiquement. Ça s'appelle The Empire of Corpse. Donc c'est l'histoire qui est basée sur les stories de Dr. Frankenstein, en fait. Sauf qu'on suit le jeune élève qui est Holmes, donc qui vient de Sherlock Holmes et donc de son assistant. Alors, on n'a pas Sherlock dans le bouquin, mais en gros, voilà, c'est ils ont mélangé plusieurs univers et c'est en 3 tomes finis et c'est vraiment très sympa à lire. Donc c'est chez Pika Édition et voilà, donc c'est tout ce qui est sur les modifications des morts, pouvoir essayer de réveiller de faire revenir les morts à la vie. Donc ils y arrivent plus ou moins, mais en fait, pas l'âme, en fait. C'est toute la question autour de l'âme de l'être humain, pour comment la faire revenir vraiment dans le corps, même si le corps peut obéir aux ordres et peut quand même survivre. Donc voilà, intéressant. C'est en 3 tomes en plus, donc fini. Et puis ça vaut vraiment le coup au niveau graphique. C'est très joli. Donc voilà, un petit conseil. Ben, je vais équilibrer les choses parce que je vais également parler de manga. Le deuxième tome est sorti courant du mois de novembre ou fin octobre. Je vais vous parler de La Voix du Tablier, sorti chez Kana. Alors comme ça paye pas de mine. En fait, c'est l'histoire d'un ancien yakuza qui a décidé de se mettre au vert et de sortir avec une femme. Enfin, je sais pas vraiment s'il sort avec cette femme ou pas, mais il se met au service de cette femme. Mais il a toutes ses mimiques encore de yakuza. Il va louper un plat, il va vouloir se suicider ou se couper un doigt. Ben voilà, c'est vraiment écouter loufoque de la chose, et en sachant que c'était le plus grand yakuza du quartier, en fait. Et il y a un de ses anciens collaborateurs, si je peux appeler ça comme ça, qui le recroise et qui lui demande « Mais comment t'as fait pour changer et tout ?» Mais en fait, il essaie même de l'imiter en se disant « Je vais devenir meilleur yakuza en apprenant à faire des bons repas et des conneries comme ça. » Mais c'est vraiment extraordinairement drôle, en fait. C'est pas prise de tête, c'est certes petit au niveau du tarif. Je trouve que Kana, pour ça, s'approche un peu de Panini Comics. Mais ça reste super fun à lire. C'est là-dessus, c'est ça que je vous conseille de lire. Pour le moment, sur 2 tomes en France. Et puis voilà, je pense qu'on en a fini pour cette big émission. Je vais remercier Nébu de s'être déplacé pour participer à ce revival. Ah bah avec plaisir, merci, c'était cool. Et ouais, peut-être. Merci à toi, ça fait vraiment plaisir de te recevoir. Peut-être pour le second. Bah écoute, moi ça me fait plaisir, on a plein de trucs à raconter, donc pourquoi pas, on verra bien. Je te teaserai en off pour la deuxième émission et tu me diras si t'es intéressé ou pas. Ok, d'accord. Et puis voilà, je vais vous souhaiter une bonne journée et une bonne soirée. Restez connectés au niveau de nos réseaux sociaux où vous allez avoir plein de news pour les prochaines. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Bonne soirée à tous. Allez, bye ciao bye. Tout le monde.